Le mystère du scorpion vert. Une aventure de Ikkō Teruka, le célèbre détective japonais, par José Moselli. Chapitre 1er. Parmi les innombrables autant qu'extraordinaires aventures d'Ikkō Teruka, l'affaire dite du scorpion vert mérite une mention à part. Le grand détective japonais y fit preuve d'un sang-froid et d'une ingéniosité qu'il n'avait jamais atteint. L'étrangeté de l'affaire, aussi bien que les affreux périls qu'il dut surmonter, dépasse de loin tout ce qu'il avait affronté jusqu'alors. On va le voir. Ikkō Teruka, après avoir percé à jour les machinations des extorqueurs de la Pampa et avoir livré les bandits à la justice, était revenu à Buenos Aires. Une lettre, vieille de plus de 3 mois, l'y attendait. Elle l'avait suivi en de nombreux pays, et finalement était arrivé presque en même temps que lui dans la capitale de la République d'Argentine, aux soins du consulat du Japon. Ikkō Teruka, qui s'était rendu chez son consul afin de faire légaliser son passeport, reçut du diplomate la lettre en question. « Espérons que ce n'est pas urgent, » murmura-t-il en apercevant les innombrables cachets qui noircissaient l'enveloppe. Il décacheta le pli et en retira une longue lettre entre les feuillets de laquelle était inséré un chèque. 500 livres sterling, dit-il. Qu'est-ce que cela veut dire? La lettre, qu'il lut aussitôt, était ainsi conçue. Monsieur Ikkō Teruka, je ne sais où ces lignes vous rejoindront. À tout hasard, je vous écris au ministère de l'Intérieur à Tokyo, qui fera suivre ma lettre. Peu importe que vous la receviez dans 2 mois ou dans 1 an. Si je recours à vous, ce n'est pas pour sauver un vivant, c'est pour rendre l'honneur à mon fils, qui a disparu et qui est très certainement mort. Mais je voudrais voir sa mémoire réhabilitée. Vous seul pouvez le faire. C'est un vieux père qui vous en supplie. Je n'ai plus bien longtemps à vivre. Ne voudriez-vous pas me permettre de mourir après avoir rendu l'honneur à la mémoire de mon fils? Voici un chèque de 500 livres pour vos premiers frais. Par la suite, je vous offre un crédit illimité, car il s'agit très certainement de l'affaire la plus extraordinaire de votre carrière. Vous verrez que je n'exagère pas. Si, comme je l'espère, vous voulez bien accepter de vous occuper de mon fils, venez me rejoindre à Macao, en Chine. Il vaudrait mieux que vous ne fassiez connaître votre arrivée à personne. Vous pourrez donc vous rendre chez moi, Señor Francisco Andrade de Mello, général en retraite de l'armée portugaise, Estrada do Amaral, Macao. Si vous ne pouviez venir, faites-le-moi savoir. Croyez d'avance, monsieur Ikkō Teruka, à mes sentiments de reconnaissance. Et c'était tout. Ikkō Teruka replaça lettre et chèque dans l'enveloppe sans prononcer un mot. « Vous voudrez bien établir mon passeport pour la Chine, monsieur le consul, » dit-il simplement. Le haut fonctionnaire donna aussitôt des ordres à la chancellerie. Le jour même, Ikkō Teruka prenait le train pour Valparaiso, Chili. De Valparaiso, il s'embarquait sur un paquebot côtier qui, en moins d'une semaine, le débarquait à Panama. À Panama, un autre paquebot emmena le grand détective au Japon via les îles Hawaï. Débarqué à Yokohama, Ikkō Teruka, sans perdre un instant, prit le paquebot pour Hong Kong, d'où un navire côtier le déposa enfin à Macao, la petite colonie portugaise de la côte de Chine. Ikkō Teruka, aussitôt débarqué, sauta dans un pousse-pousse qui, en quelques minutes, Macao n'est pas grand, le déposa devant la demeure du seigneur des Meiyo.